La voiture blanche roule moins vite que moi. J'accélère, réponse A. Je garde la même allure, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je prends la voie de gauche, réponse D.